Vous écoutez France Culture. Premier temps d'une nouvelle semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire du paysage, une semaine tout juste après la remise des prix des diplômes du paysage à Paris, c'était au pavillon de l'Arsenal, et elle a récompensé cette remise des prix et les jeunes Benjamin Ménager et Fabien Decoucu. Demain, nous vous proposerons un documentaire de Perrine Kervran et Véronique Samouilov sur le jeune Monet, le jeune Claude Monet, celui qui peint la plage de Trouville en 1870. Que voulait-il dire par ce tableau? Quel paysage voulait-il montrer? Un paysage de chevalet, justement, eh bien, nous l'apprendrons en écoutant ce documentaire signé Perrine Kervran et Véronique Samouilov. C'est demain. Mercredi, nous débattrons du paysage romantique et jeudi, de l'idée selon laquelle un certain type de paysage occidental fut inventé en Italie à la Renaissance. Et aujourd'hui, pour commencer cette semaine, nous vous proposerons de réécouter l'entretien que nous avait accordé en 2012 le grand paysagiste français Michel Corajou. Avec ce pionnier du renouveau du paysage et des métiers qui le façonnent, nous allons aborder bien entendu le rapport et le regard que peut porter un paysagiste comme lui sur la nature, mais aussi l'idée que l'on peut se faire de ce qu'est, par exemple, un paysage urbain. C'est dans un instant dans la Fabrique de l'Histoire. Mais nous commençons exceptionnellement cette émission du lundi par un petit tour d'horizon de nouvelles d'histoire puisées sur le net ou dans vos journaux. Tout d'abord, saluons l'enquête menée pour Le Monde des Livres de la semaine dernière par l'historien Étienne Hanheim. Celui-ci a profité de la multiplication en librairie des essais réflexifs d'historiens pour s'interroger sur la façon dont les historiens se racontent. Car, écrit Étienne Hanheim en ouverture de son papier du Monde des Livres, le souci de fonder une histoire scientifique depuis la fin du 19e siècle a d'abord éliminé l'expression individuelle qui semblait le signe d'un manque d'objectivité. Les temps ont changé. Aujourd'hui, la plupart des historiens s'exprime facilement à la première personne, comme s'il était devenu nécessaire d'interroger les rapports entre itinéraire biographique et recherche savante. Et Étienne Hanheim de citer dans Le Monde des Livres Emmanuel Leroy-Ladurie, André Miquel, Alain Corbin, Patrick Garcia, qui tous viennent de sortir un livre sur leur itinéraire d'historien. Et de s'y référer bien sûr également au fameux essai d'Ego Histoire, initié par Pierre Nora en 1987, devenu modèle de référence alors que, selon Pierre Nora, interrogé par Étienne Hanheim, le projet fut parfois mal accueilli par des historiens qui ont refusé d'y participer, comme par la critique qui y a vu alors un narcissisme transgressif. Pour Étienne Hanheim, l'inflexion récente du phénomène, amplifiée par les mémoires de synthèse scientifique que doivent désormais présenter au cours de leur carrière des chercheurs et des universitaires, montre surtout que les historiens essayent, à tâtons, de répondre aux problèmes posés par Pierre Nora. Peut-on écrire sa propre histoire comme celle d'un autre? Et pourquoi le faire sinon pour satisfaire son narcissisme et la curiosité du public? Car en faisant cela, le chercheur, au lieu d'opposer l'objectivité fictive de la troisième personne au lyrisme débridé de la première, essaie de tenir ensemble le sujet de l'histoire et son objet. Plutôt qu'un symptôme, c'est une manifestation de l'ambition scientifique de l'histoire d'aujourd'hui, car on sait que la position de l'observateur et ses instruments ont des effets sur les résultats obtenus. L'historien est immergé dans l'histoire qu'il étudie. C'est signé Étienne Hanheim et c'est dans Le Monde des Livres, paru jeudi dernier. Des historiens qui s'engagent, c'est ce qui s'est passé non seulement à Montpellier après l'annonce de la suppression par le nouveau maire du musée de la France et de l'Algérie, mais dans le Figaro, il y a deux semaines, avec le texte signé Jean-Louis Bruneau, Yann Le Boeck et Jean-Louis Voisin sur Alésia. Que se passe-t-il exactement? Le producteur d'émissions de radio et de télé d'histoire, Franck Ferrand, a pris fait et cause dans un livre récent et dans des tribunes de presse contre ce qu'il appelle l'état de l'Alésia officielle 6 en Bourgogne et s'est lancé dans un combat contre, je cite, « le mépris et la morgue des prétendus » détenteur du savoir, qui refuse de reconnaître que le vrai site d'Alésia, selon lui, est en plein Jura. Jean-Louis Bruno, Jean-Louis Voisin et Yann Le Boeck, tous spécialistes universitaires de la Gaule antique, lui répondent donc dans le Figaro « Non, Franck Ferrand, le site d'Alésia n'est pas une supercherie. » Et nos trois chercheurs de développer dans le Figaro. Remarquons déjà qu'en dehors de quelques personnes groupées autour de Franck Ferrand et de Daniel Porte, cette querelle n'émeut aucun historien de l'Antiquité en France et hors de France, disent-ils. Le Barrington Atlas du monde grec et romain, édité par l'université de Princeton, qui fait autorité en la matière, situe Alésia là où elle doit être, c'est-à-dire au Mont Auxois. Et personne parmi les archéologues et les spécialistes de l'Antiquité n'a pensé à rectifier cette localisation, disent-ils. Des mandarins, rétorquera sûrement Franck Ferrand et consorts, une histoire officielle, un complot pour étouffer une voix discordante. Nous n'avons jamais eu cette prétention. Si nous co-signons cette chronique, ce n'est pas à la suite du comportement grégaire entre guillemets que Franck Ferrand décèle parmi les universitaires, disent-ils, mais plus simplement parce que nous sommes animés par la recherche de la vérité historique et par la prise en compte de réalités archéologiques que les détracteurs du Mont Auxois se refusent d'accepter. Alésia est au Mont Auxois et nulle part ailleurs. Et nos trois historiens développent ensuite leur argument dans le Figaro, argument qui ne convainc nullement d'ailleurs le chroniqueur d'histoire, qui reprend la plume dans ce même Figaro le lendemain. Bruno Ping, dit-il, Pang Le Boeck et Voisin Pong se drapent dans leur titre, se gargarisent de la doxa et constatent que le Barrington Atlas du monde grec et romain édité par l'université de Princeton, qui fait autorité en la matière, situe Alésia là où elle doit être, au Mont Auxois. Ici, faut-il rire ou pleurer, dit le chroniqueur. Voilà bien nos savants à nous, frileux et suivistes, tout juste bon à attendre un verdict de la bouche de leurs confrères anglo-saxons. Qu'à cela ne tienne, je gage au rythme où vont les choses que Princeton sera dessillé plus tôt que la Sorbonne. On assiste donc, nous, lecteurs, à ce ping-pong par Figaro interposé et on reste un peu sans voix. Pourquoi cette parole haute des médias et de ceux qui parlent dans les médias et pourquoi ce combat contre les mandarins? Je n'ai pas personnellement de réponse. Professionnels, amateurs, trafiquants d'objets, tous ces types d'approches du passé se croisent sans se voir autour des sites archéologiques de notre pays. Le Monde, la semaine dernière, a publié une belle enquête signée Viviane Thivant sur les pillages archéologiques dans notre pays, car d'après l'association Halte au pillage du patrimoine archéologique et historique et le ministère de la Culture, eh bien, ce pillage archéologique serait en plein essor aujourd'hui. 300 dossiers sont en cours, dont quelques grandes affaires, des priorités, puisque l'idée du moment est de se concentrer sur les gros pilleurs et leur réseau, comme d'autres l'ont fait dans les années 90 dans le domaine de l'environnement, en s'attaquant d'abord aux grands pollueurs. Un objectif louable, mais gourmand en temps, ce qui exaspère les archéologues, témoin impuissant d'une réelle hémorragie patrimoniale. Car, aussi étrange que cela paraisse, une grande partie des objets pillés s'exposent au grand jour, sur des blogs ou encore sur des sites de vente en ligne comme eBay, Le Bon Coin ou Delcamp. Chaque année, des centaines de milliers d'objets archéologiques issus du pillage français des bijoux, des monnaies ou autres circulent sur Internet, dit Le Monde, et Viviane Thivant de relayer dans ce journal la critique récurrente contre les amateurs munis de détecteurs de métaux, car aux yeux de la loi, le sympathique chasseur-cueilleur de monnaie ou de munitions n'existe pas. Tous sont des pilleurs qui s'ignorent. C'est une enquête parue dans Le Monde du 3 juin dernier. Allez, pour terminer, notons que ce lundi 9 juin 2014 n'est pas un jour comme les autres. Nous sommes en pleine journée internationale des archives. Et alors, eh bien, pour cette journée, les organisateurs demandent aux archivistes d'envoyer une image ayant un lien avec la localité dans laquelle ils travaillent. L'image sera téléchargée sur un site spécialement développé par les archivistes du groupe des archives locales, municipales et territoriales du Conseil international des archives. Le site qui s'appelle International Archives Day, donc, doit être opérationnel dès aujourd'hui. Vous pouvez aussi ajouter deux phrases, dit le site, l'une décrivant le document que vous avez choisi et l'autre pour adresser un message à la communauté archivistique internationale. Nous vous serions aussi reconnaissants de diffuser ce message à l'ensemble des archivistes de votre pays. Bonjour Michel Corajou. Bonjour. Vous gardez vos archives, vous ? Mal. Mal. Parce que c'est parce que vous pensez toujours à devant. Je commence à changer un peu ces sujets-là. Au fur et à mesure où on vieillit, effectivement. Je voulais vous dire, justement, le fait d'être convié dans une émission pour parler de son parcours montre à quel point, d'une certaine façon, vous avez vieilli. Et jusqu'à maintenant, effectivement, je me préoccupais peu de mes archives. Mon passé ne m'intéressait pas du tout. Et puis, d'un seul coup, je m'y replonge. Vous êtes notamment sur cette question du rapport que j'entretiens avec la nature ou la campagne, ou ce que vous appelez les paysages transformés par l'homme. je me suis rappelé qu'au fond, mon lieu de naissance, ma ville natale... C'était Annecy. C'était Annecy, et qui a compté beaucoup plus que ce que je n'avais jamais imaginé. En 1937. C'est ça, en 1937. Je suis né en 14 juillet 1937. C'est une belle date. Voilà, je suis un bon républicain. Et oui, ça comptait plus parce que vous dites que quand on se promène à Annecy, où qu'on porte le regard, c'est un peu comme à Grenoble, au bout de la rue... On a la montagne. C'est-à-dire qu'on a en perspective une chose qui est formidable, comme développé paysager, au fond. C'est d'abord la ville empierrée, qui était dans la rue elle-même, à l'horizon duquel vous aviez un empierrement moindre qui était la campagne, c'est-à-dire la campagne agricole, l'endroit de culture des gens, et à l'extrémité, la nature. Et donc, vous aviez tout ce développé qui allait donc de la culture, on pourrait dire, à la nature. Et je ne me suis pas rendu compte à quel point tout ça avait fondé en moi mon esthétique. Vous l'avez même fui, cette ville d'Annecy ? Je l'ai fui, je suis venu à Paris comme Rastignac, qui monte à Paris pour faire de la peinture. Et puis, de fil en aiguille, je me suis échappé de cette histoire de la peinture pour faire une école des arts décoratifs. Et puis ensuite, travailler dans des ateliers d'architecture. Et puis, comme ça, j'ai découvert, au travers d'une sorte de soleil, que Jacques Simon, qui était un paysagiste, j'ai découvert l'idée du paysage. Mais en fait, je l'avais en moi, sûrement, hein, parce que je ne pense pas qu'on... J'avais cette idée en moi. J'ai découvert ça, que j'avais une passion. Parce que pourquoi j'aimais ces paysages, plus que d'autres ? Parce qu'ils étaient une alliance intime entre une géographie et une géométrie. Oui, le territoire de la Haute-Savoie est un territoire qui est totalement soulevé toujours. C'est un drap froissé, au fond, sur lequel des paysans se sont ingéniés pendant des générations et des générations à essayer d'imprimer une rationalité, des lignes droites, les champs, les sillons. Et ce rapport dialectique entre ce drap froissé qui refusait sans arrêt à cette rationalité et dans l'intense effort des ruraux de créer de la rationalité, il y a la beauté qui apparaît. Et mon esthétique est faite de ça. C'est pour ça que vous aimez la Toscane, c'est pour ça que lorsque vous avez les paysages d'Espagne ou du Portugal, parce que tout compte fait, ce sont des paysages où... À aucun endroit, mais on peut le dire aussi en France, on ne sent pas la présence de l'homme d'une certaine façon. La présence de l'homme a été présente, l'homme a été présent partout. On la sent beaucoup, c'est-à-dire que ce que j'aime bien dans ces paysages archaïques, oui, c'est que les outils utilisés dans ces paysages archaïques sont des outils de moindre force. Et donc, vous avez presque le corps de l'homme qui agit sur le paysage en vision directe. Vous sentez l'effort. Vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste de l'agriculture pour comprendre le temps nécessaire pour aller de là à là pour cultiver tel ou tel champ à l'aide d'un bœuf ou d'une charrue. Vous éprouvez corporellement le paysage parce que vous sentez la somme d'efforts nécessaires pour le discipliner. Au fond, c'est ça qui est beau. Mais c'est ce qu'on peut dire historiquement d'un paysage façonné anciennement par l'homme. Mais il y a d'autres paysages de façon contemporaine qui peuvent ressembler à cela. Vous êtes rendu souvent en Afrique, par exemple, où vous avez eu à recomposer des villes comme Bujumbura ou d'autres qui avaient été laissées en friche, en partie, dans leur cœur même, parce que les colonisateurs voulaient séparer les quartiers européens des quartiers africains, des quartiers autochtones. Et donc, il y avait là, au milieu des villes, des grands espaces. Et là, c'est aujourd'hui qu'il fallait faire cela. Il fallait réfléchir à la façon dont on pouvait, dans ces civilisations, dans ces pays, travailler ce paysage, recomposer de la ville tout en gardant des traces de cet espace vide qui avait été laissé par les colonisateurs, Michel Corrajoux. J'ai fait 3 missions de ce type dans les pays africains, qui était toujours la même question posée. Pour protéger la ville blanche de la ville noire, on avait laissé des grands no man's land qui faisaient une sorte de tampon entre la ville noire et la ville blanche. Et ces grands espaces-là sont devenus aujourd'hui, à cette époque, parce que ce n'est pas d'hier que j'ai fait ces missions, étaient devenus des enjeux considérables pour les dirigeants de ces pays, parce que c'était évidemment des sources de terrains constructibles considérables. Et que moi, je me suis simplement employé, avec Claire Corrajoux, mon épouse, on s'est simplement employé à protéger ces espaces. C'est-à-dire, on ne savait pas exactement quel usage on pourrait en faire. Il y en a un notamment qui était la patte d'oie, où régulièrement, les édiles de ce pays brûlaient la patte d'oie pour qu'on puisse effectivement la redistribuer à des promoteurs et faire des constructions. Et cette forêt de la patte d'oie me plaisait beaucoup. C'était où ça, la patte d'oie ? La patte d'oie, c'était au Congo-Brazzaville. Mm-hmm. Et j'ai fait la même chose en face, à Kinshasa. et puis au Burundi. J'ai fait trois missions exactement identiques. Et à chaque fois, assez curieusement pour un paysagiste, mon travail était plutôt constitué. Je faisais un décret de protection. Et je travaillais avec les ministres en charge de l'urbanisme dans ces trois pays. Et ensemble, on bâtissait un décret de protection. Sachant qu'évidemment, en grande partie, les talons tournés... Il ne serait pas respecté. Ce décret serait... Je ne sais pas ce que c'est devenu, mais n'a sûrement pas été respecté. L'enjeu était trop puissant, trop fort. Et pourtant, je croyais que moi... Vous savez, je rêve que dans les grandes villes, il y ait des centres comme ça, des centres de vide, des centres d'absence. Façon Central Park à New York ? J'ai éprouvé ce sentiment d'une façon très forte quand je suis allé au Japon et à Tokyo. J'étais dans un hôtel et je regardais la ville de Tokyo. Et vous avez au centre de la ville une sorte de nucléus noir, totalement noir, une sorte de trou, un trou noir. Et c'est le palais de l'empereur, non ? Et cette chose un peu... mystérieuse, qui peut même créer de l'effroi, me paraît être une chose indispensable au centre des villes. On a besoin. Vous voyez, il y aurait au centre des villes un lieu où il y aurait encore des loups dans un endroit circonscrit. Je pense que la ville prendrait plus d'émotions. Quand on va dans d'autres endroits du monde, on s'aperçoit tout compte fait que ces paysages façonnés par l'homme qui vous plaisent tant, ces paysages européens en Espagne, au Portugal, en Italie, Michel Corajou, eh bien, ils n'ont plus grand-chose à voir avec d'autres paysages façonnés par des successeurs de ceux qui étaient les paysans d'antan. Par exemple, les grands paysages des grandes plaines du Middle West, où, dites-vous, on ne peut plus rien voir lorsqu'on est piéton, parce qu'à hauteur d'homme, on ne voit rien, il faut tout voir d'avion. D'ailleurs, c'est les ruraux de ces pays-là sont des gens qui circulent en avion. Et donc, ils ont une nouvelle lecture de leur paysage à partir de leur vue d'avion, d'ailleurs. Tous les livres qu'on voit sur le pain, le ciel, la terre de ce fameux reporter dont j'oublie le nom. Yann Arthus-Bertrand nous montre se déployer de la terre. Et d'ailleurs, ces images nous montrent la beauté de tout. Si vous voulez, je suis très surpris de voir qu'en avion, vous pouvez regarder infiniment le développé du paysage agricole, mais aussi périurbain, et vous rendre compte qu'il n'y a pas de faute de goût, jamais. Et c'est assez étonnant que dans le dessin de ces champs, il n'y a pas de... On ne peut pas dire qu'il y a des choses mal faites. Alors, comment expliquer cela ? Parce qu'après tout, on pourrait très bien imaginer qu'un dessin dérape ne soit pas correct. Ça ne l'est pas, tout simplement parce que je crois que c'est ancré dans un socle qui est le socle de la nature, lui, qui est le socle physique, qui, d'une certaine façon, tient les choses, quoi. Oui, mais c'est architecturé par l'homme, comme vous dites, c'est de l'expérience du paysage fait architecturé par l'homme, Michel Corajou, que nous sont données toutes les formes de connaissances sur la nature. Celles-ci n'auraient sans doute jamais rien signifié pour nous si nous n'avions pas agi sur elles. Dites-vous, dans un livre que vous avez fait paraître il y a 2 ans aux éditions Actes Sud et qui s'intitule, avec un très beau titre, « Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent ». C'est une chose que j'ai empruntée à Grégotti, qui avait fait à l'époque une très belle revue qui s'appelait Le Didia Moderne. Je ne me souviens plus dans quelles années, mais à cette époque-là, il y avait de belles revues d'architecture. Et Grégotti disait cela, disait qu'au fond, le tracé du sillon, le paysan a été le premier architecte, au fond, et que la ville s'est initiée dans la pierre dressée dans un champ. Et j'ai toujours été... Je garde encore en mémoire cet article, parce que j'ai toujours fait mon métier de paysagiste en pensant à la ville. C'est-à-dire mon horizon n'était pas la campagne ni le paysage, mais un jour j'aurais aimé être architecte. Comme l'aire de battage en Grèce antique qui finalement serait le point de départ du théâtre antique sur lequel Laède vient le soir des battages raconter les hymnes homériques. La campagne, c'est l'apprentissage de la ville, c'est l'alphabet de la ville. Au fond, l'alphabet premier de la ville s'est constitué dans l'apprentissage de la règle, justement ce que je vous disais tout à l'heure, cette rationalité nécessaire pour construire, voilà, pour faire un champ, le sillon, c'est un outil essentiel, parce que la ligne droite, c'est l'économie de moyens, c'est l'économie d'efforts. Mais le territoire se refusant à cette simple logique, vous avez une sorte de négociation, vous voyez, qui s'établit entre cette rationalité et la nature qui est sous-jacente. Et cette négociation, vous la lisez. Et pour moi, voilà, la beauté, elle est là. Elle est dans cette lecture-là. Et cette négociation, c'est le travail des hommes, d'une certaine façon. C'est le travail successif. Qui l'a façonné. Successif, je dis bien, parce que année par année ou moment par moment, on peut penser que les paysans à l'instar d'ailleurs des urbains, ne font pas que des belles choses. Ils font aussi des bêtises, hein. Je pense qu'ils font aussi mal, peut-être parfois. Mais ce qu'il y a dans le travail paysan, dans le travail rural, c'est l'accumulation, vous comprenez, la sédimentation. Les choses s'installent dans les choses précédentes. Et il y a une sorte de... Voilà, ça ne viendrait à l'idée de personne, ça peut être au Burundi pour certains paysans burundais, mais il viendrait à l'idée de personne d'aller à l'encontre de l'ensoleillement, à l'encontre de la pente, à l'encontre de la trace laissée par le précédent, du chemin qui permettait d'accéder au champ. Vous voyez, il y a une sorte d'héritage qui fait que d'année en année, les choses se superposent. Et ce graphe superposé donne ce merveilleux tissage que sont les champs. Et d'ailleurs, en avion, une des vertus de l'aviation, c'est d'avoir fait découvrir par l'archéologie donc aérienne, non seulement les sols d'aujourd'hui, mais les sols d'antan, les anciennes cités. On peut même aujourd'hui lire le paysage d'avant à travers les découpages des champs, les passages des voies romaines, les passages ou les parcelles des champs précédents du Moyen-Âge, par exemple. On peut le voir encore, ça, dans Je ne sais pas si vous avez jamais lu Rouppenel. Alors, bon, peut-être que... ça y est, d'un jamais. Coup, je me classe dans les gens un peu rétro, mais... Rouppenel, c'est formidable d'abord parce que c'est un homme qui a une langue absolument superbe. Et lui, il parle de ça. Il parle de l'espèce de profondeur de la trace, c'est-à-dire d'imaginer que ces traces sont extrêmement profondes, ancrées, et que effacer un chemin rural, c'est quasiment impossible. Mm-hmm. Vous n'arrivez pas à l'effacer. Il ressurgira toujours, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quelque chose de cette permanence du travail de l'homme sur le territoire qui est très, très belle. Et pourtant, vous avez commencé à travailler, Michel Corajou. Je rappelle que vous êtes né en 1937, à un moment justement où la démiurgie architecturale, la démiurgie paysagère a fait penser, a fait croire à vos contemporains qui étaient plus âgés que vous à l'époque, après la Seconde Guerre mondiale, qu'il était possible justement de tout effacer, de faire de véritables tabula rasa du paysage pour pouvoir tout reconstruire à zéro avec des outils qui n'étaient plus les outils que vous avez décrits du paysan d'antan, mais des outils qui pouvaient tout raser pour tout reconstruire, Michel Corajou. Mouvement auquel j'ai largement participé, c'est-à-dire voilà, j'ai pas échappé à cette époque et je la revendique encore comme étant une belle époque, c'est-à-dire que cette idée que nous étions libres. Une croyance. Voilà, la tabula rasa, c'était du passé faisant table rase, au fond. Hein. C'était la reconstruction, c'était l'après-guerre. On vivait une époque formidablement optimiste, où on n'était pas très loin de la crise actuelle, et on pensait qu'on avait le monde devant nous, et qu'au fond, l'important, c'était de faire neuf. C'était de faire neuf en faisant... Beau, c'était le neuf. Et on faisait neuf, et donc souvent... On travaillait sur des territoires auxquels on n'allait même pas les voir, non ? On faisait des projets à distance. Avec les fameux chemins de grue, etc. C'est ça, sans aucune difficulté. Alors, il est vrai que les années 68 ont largement bousculé toutes ces notions, et tant mieux. Et aujourd'hui, moi, j'ai suivi ce mouvement. Alors, vous allez me dire que je suis suisse. Non, je ne suis pas suisse. Je ne sais pas pourquoi, je suis resté de mon temps et de mon époque. J'ai suivi avec beaucoup de passion ce passage, justement, de l'idée où le contexte ne comptait pas, à un moment où aujourd'hui, le contexte, pour moi, c'est tout. C'est-à-dire, je dirais même plus qu'à la limite, je m'oublie moi-même en pensant que le contexte sur lequel je travaille est l'essentiel, c'est l'important. Et pourtant, ce mouvement moderne, donc, si décrié souvent pour ses excès, pour la construction énorme de grandes cités dortoirs ou grandes cités logements, ce mouvement moderne, il est capable aussi de produire, et c'est son père l'a fait, à savoir Le Corbusier soi-même, de produire la chapelle de Ronchamp. C'est-à-dire un endroit qui est à la fois un endroit dans le paysage, qui tient compte de ce paysage, qui s'inscrit dans ce paysage en étant moderne. Et je crois que vous avez tenté d'y travailler vous-même aussi un peu. Avec Renzo Piano dernièrement, oui. Et Michel Corajou. Si vous voulez, à cette époque-là, je pense que la pensée du paysage était présente. Ce qui a fait d'ailleurs mon combat de toute ma vie, c'était que cette présence de la pensée du paysage était une présence qui me semblait être un peu délétère dans la mesure où ce qu'on voulait réhabiliter, c'était l'idée de nature. C'est-à-dire que Corbus, en libérant le sol par ses pilotis, il voulait que sous ses bâtiments, un drapé naturel se déploie, une grande nature. Et alors lui, il le faisait avec intelligence, mais ça a été repris et c'est devenu ensuite un peu ce désespoir de nature qu'on trouve dans les grandes cités, où on est parti avant de finir. Avec les grandes dalles en particulier. Avec ces grandes dalles ou ces grandes pelouses un peu inertes qui ne constituent pas des lieux. Ça a été une déviation de cette pensée du mouvement moderne. Et d'ailleurs, à ce propos-là, si je peux ne pas me laisser interrompre, c'est de vous dire que la difficulté que j'éprouve aujourd'hui, c'est de voir clair dans cette idée du rapport homme-nature. J'ai du mal, et je suis très content, je vais avoir à travailler prochainement avec un grand sociologue qui s'appelle Jean Viard, sur un territoire de Bordeaux, justement, où j'aimerais bien le questionner sur cette idée. Quand les gens disent « j'aime la nature », que disent-ils, au fond ? Aiment-ils la nature dans sa sauvagerie ? Ce qui m'étonnerait, parce que moi, la nature dans sa sauvagerie, je la connais. Elle est très peu hospitalière, au fond, elle est même dangereuse. On n'a pas de civilité possible dans une nature naturante. Aiment-ils, alors, n'est-ce pas la campagne qu'ils citent quand ils aiment la nature ? Ou alors, et c'est une autre chose encore, qui serait une nature apprêtée, organisée. Domestiquée ? Domestiquée, mais dans laquelle la présence du vivant serait forte. Vous voyez, je remplacerais volontiers le mot nature par le mot vivant. Je pense que ce qui est attachant aujourd'hui dans la préoccupation de nos concitoyens, dans cette demande justement, vous allez parler des pavillons la semaine prochaine, il y a ça de sous-jacent dans la question du pavillon, c'est cette idée d'avoir une pièce dehors. Une pièce dehors, c'est-à-dire une pièce qui subit les échéances, les chasses du temps, le soleil, la pluie, la nuit, le jour, les feuilles qui tombent, qui ne tombent pas. Et c'est ça, cette revendication, c'est d'être dans un lieu où la vie est présente. Et donc la ville, peut-être, aurait à gagner beaucoup à s'intéresser justement à cette forme nouvelle de volonté d'introduire du vivant dans la ville. Oui, parce que vous plaidez beaucoup pour la question de la perméabilité, c'est-à-dire ces zones un peu étranges qui sont généralement rejetées, dont on se dit elles ne représentent rien. On a même parlé, un autre sociologue et un anthropologue qui était Marc Auger, des non-lieux, effectivement. Quelquefois, ces non-lieux qui sont entre la ville et la campagne, ces espaces intermédiaires. Vous dites... si on y travaille, ça peut être des lieux formidablement intéressants sur ce point, Michel Corajou. Mais c'est-à-dire, heureusement, enfin, ma vie va... on me reproche toujours de dire que ma vie s'achève et comme si je voulais me vieillir. C'est pas ça du tout. Je veux dire, c'est comme si, au fur et à mesure où j'avance dans ce métier, j'ai le sentiment que moi, il y aurait de moins en moins de choses à faire, mais de plus en plus de choses à révéler. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de substituer le faire par le révéler. Parce que c'est là. C'est là. C'est déjà là. Vous n'avez qu'à le regarder. Vous n'avez qu'à vous y intéresser. Et d'un coup, le monde change. Et ça participe d'une certaine pensée de l'économie, l'économie de moyens. Vous comprenez, vous n'auriez plus à faire des dépenses. De grands aménagements, des grandes dépenses. Il suffirait simplement, avec quelques travaux de transfiguration, de faire en sorte que le réel antécédent, c'est-à-dire celui qui était juste avant nous, retrouve du sens. Et ça, c'est assez facile à faire. Et aujourd'hui, ma préoccupation va de plus en plus dans ce sens-là, à un point où je me dis un matin, je vais demander à mes clients de me payer pour ne plus rien faire. Parce que... Mais je pense que c'est un très grand travail, ça, vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. C'est pas simplement du laisser-aller, c'est pas de la paresse. Parce qu'il faut savoir désigner derrière ces lieux dont on pense qu'ils ont encore à dire des choses. Il faut trouver ces lieux-là par rapport à d'autres qui n'ont plus d'autres choses à dire. C'est étrange parce qu'on sent une sorte de dépouillement au fur et à mesure où vous avancez dans votre carrière, Michel Corajou, avec cette idée en tant que paysagiste qu'on est passé d'un caractère un peu démiurgique, c'est-à-dire en gros l'homme maître donc, de la nature, décidant pour elle de là où elle serait, de là où elle ne serait plus d'une certaine façon, un caractère beaucoup plus subtil, beaucoup plus légère, même si l'architecte paysagiste que vous êtes est encore un démiurge. Alors, vous touchez là à quelque chose qui, pour moi, me chatouille beaucoup. C'est à la fois, je dis que ce que j'aime bien dans les derniers projets que j'ai faits, par exemple, la Cité internationale que j'ai faite avec Piano à Lyon, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'un paysagiste est venu et s'est énervé. Les choses sont là depuis toujours. On a le sentiment que c'est là depuis tout le temps. Et je me dis, j'ai réussi. Parce que... Les quais de la Garonne à Bordeaux. À Bordeaux, c'est un petit peu différent. Encore que, oui, il y a une très grande discrétion dans le travail que j'ai fait. Enfin, une discrétion. Vous n'avez pas le sentiment que... Vous avez le sentiment simplement que la Garonne est restée maître du jeu. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que j'ai quand même fait que la Garonne n'a pas été... Parce qu'on aurait pu s'imaginer que face à un site pareil, de cette grande beauté, la Garonne d'un côté et cette façade magnifique de l'autre, vous seriez en train de gesticuler plus fort que les deux, histoire de, je sais pas quoi, de vous faire un panache. Ou tout au contraire, de vous glisser. Je dis toujours, se glisser dans la conversation. vous glissez dans cette conversation pour apporter une nouveauté, certes, mais une nouveauté qui soit mezzo voce, au fond, vous voyez, le mezzo voce. Et puis en même temps, je suis en train de dire que mes œuvres de jeunesse, les premiers parcs que j'ai faits, qui étaient outrancièrement formels, je me dis, c'était pas mal. C'est quand je vais à la Villeneuve de Grenoble aujourd'hui, même si la chose a bien vieilli, ou au parc de Trappes à Élancourt-Morpin, je me dis, j'avais bon, des couilles, quoi. Non, disons-le. Vous osiez. Je m'osais. On avait, je ne sais pas si on peut le dire dans une émission, mais de radio, mais j'étais obsédé par les courbes féminines. Et je faisais des buts avec la marque des Portes-Jartelles, qui était... des chemins. Et on parlait de tout ça d'une manière très ouverte avec les hommes de chantier. On avait un vocabulaire très, disons, presque érotique pour parler de cela. Et d'ailleurs, il y a Henri Gaudin, qui est un architecte que j'aime beaucoup, qui avait dit, Michel Corrajoux, il pose des bouteilles de lait dans les champs. Et alors, l'aberration de tout ça, c'est que je faisais ces buts à Grenoble, dans un lieu où la montagne est... ultra présente. Majestueuse. Et je faisais ça sur un terrain d'aviation qui était un lieu extrêmement plat. Donc imaginez aujourd'hui Michel Corrajoux intéressé au contexte, qui reviendrait visiter la Villeneuve en se disant, mais voilà, l'horizontale de l'aéroport, c'est ça qu'il fallait garder et tout ça. Alors quand un élu, un groupe d'élus, quelqu'un ou un privé vient vous chercher pour imaginer... un paysage dans une ville nouvelle, dans une cité, dans une ville plus ancienne. Qu'est-ce que vous faites ? Parce que vous dites qu'auparavant, vous faisiez des choses au tout début, sans même vous déplacer, comme tous les architectes de l'époque, sur plan, oui. En y allant comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on est architecte paysagiste ? On y descend, j'imagine, on va voir. J'ai écrit dans ce petit livre que vous citiez tout à l'heure. Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. Dans ce petit livre, j'ai écrit un texte que j'aime beaucoup, qui était une sorte de testament que je faisais à mon départ de l'École nationale supérieure de paysage, auquel j'ai enseigné très longtemps. Pendant plus de 30 ans à Versailles. J'ai laissé une lettre à mes étudiants, où je leur donnais quelques clés. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive pour la première fois sur un territoire, avec un maître d'ouvrage qui vous dit, voilà, il faut faire ça. Et je disais, la première chose, une sorte d'insubordination forte du début. Ne pas se limiter. Et surtout quitter le lieu pour ne pas vous laisser enfermer par le maître d'ouvrage dans le lieu qu'il vous indique. Parce que c'est à l'extérieur de ce lieu que les qualités gisent. Au fond, c'est dehors, en dehors de ce lieu, que vous allez puiser. C'est la question de l'horizon qui est une question qui m'intéresse beaucoup. C'est que c'est ce qui est au-delà qui donne qualité à ce qui est là. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Et si vous ne sortez pas du champ... vous restez enfermé dans votre lieu et vous n'arrivez pas à exhumer les qualités qui font que ce lieu a de la force. Et vous qui êtes un admirateur de Le Nôtre, par exemple, vous dites, en même temps, c'est vrai que les jardins de Le Nôtre sont assez proches de cela, mais tout de même, vous dites, par exemple, il ne faut pas se laisser enfermer dans un point de vue unique. Vous dites, tout de même, les jardins de Versailles se voient... de partout, certes, mais il se voit d'abord du château de Versailles, d'une certaine façon. Là, les Japonais. Voilà, voilà. Non, mais le point de vue se voit comme cela. Il est fait aussi pour la monarchie absolue bien sûr, de l'époque. Vous, vous dites non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut parcourir en tous sens le lieu, ne pas se laisser enfermer dans un point de vue unique. Il faut regarder ce lieu sur lequel on va intervenir en tant qu'architecte paysagiste, Michel Corrajoux, dans tous les Orients, d'une certaine façon. Les grandes leçons architecturales ou paysagères de Le Nôtre à Versailles, mais aussi à Vaux-le-Vicomte et en d'autres lieux construits par lui, vous ne pouvez les appréhender réellement qu'en traversant l'espace perpendiculairement à lui-même, c'est-à-dire en traversant les haies, et en traversant les chemins en biais. Il faut au fond avoir une lecture biaise de tout ça pour avoir une vraie conscience de ce que... Je vous explique une chose. Par exemple, je m'étais longtemps posé la question des statues qui longent le tapis vert à Versailles, quel sens avaient ces statues. Et en y regardant bien, quand vous traversez en diagonale tout cela et que vous passez au travers de la haie qui se trouve derrière, alors vous venez de quitter les grands arbres échevelés des massifs boisés du château de Versailles, vous traversez la haie taillée trois faces pour rentrer dans une haie taillée quatre faces et vous arrivez sur la statue. Et vous regardez la statue, c'est l'histoire de ces haies que vous avez traversées. Le socle du bas est taillé quatre faces. Et puis, vous avez le drapé de la statue elle-même qui commence à monter comme ces haies qui commencent à se libérer un peu, pour terminer par la chevelure de ces statues qui sont la canopée des arbres libres. Et d'un coup, vous dites l'interdistance ensuite de ces haies, de ces statues, mais tout simplement, si vous ramassiez la quantité de matière que vous avez en arrière-plan de ces statues, à un moment donné, la compacité de cette compression vous donnerait le volume de la statue. Bon, c'est peut-être une invention de ma part, mais c'est une assez belle image qui montre qu'il y a dans le travail de Le Nôtre, dans le petit comme dans le grand, la même règle. Ça doit faire plaisir, ça devait faire plaisir à vos étudiants que vous racontiez l'architecte paysagiste que vous étiez, comme cela, d'une certaine façon, avec ces images-là, Michel Corajou. C'est des promenades paysagères, c'est se promener ensemble, c'est regarder le paysage ensemble. Comment ça se passe, justement ? Je ne suis pas si sûr que j'ai fait ça avec mes étudiants. Ah. Parce que j'avais une sorte de... Comment ça, je suis un peu puritain, il ne faut pas vous le cacher. Puritain au sens où me dévoiler face à mes étudiants, je ne voulais pas le faire. Ce qui m'intéressait, c'était eux. C'est-à-dire avec Henri Siriani, on avait mis au point, après les années 68, on avait mis au point une méthode d'enseignement. Je prends un tout petit peu de temps pour vous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Dans les années précédentes, l'enseignement du projet, c'est-à-dire l'enseignement de la création, au fond, pose des tas de problèmes, des tas de questions. Ce n'est pas simple de faire que quelqu'un devienne créatif et qu'il se mette à créer d'une certaine façon. C'est très compliqué. Alors, dans les années précédentes aux Beaux-Arts, vous aviez une sorte de rituel qui faisait que les étudiants étaient... On les conjurait de créer par tout un rituel qui était le rendu à la Melpomène, le charisme des grands patrons de l'atelier, le bizutage. Ces sortes de rituels faisaient que les grands qui s'intéressaient à faire travailler les plus jeunes, toute cette espèce de cérémonial faisait que la difficulté de créer était estompé par ce cérémonial. En 68, qu'est-ce qu'on a fait ? On a tout vidé, tout ça. On a mis en ordre tout ça. Et on s'est retrouvé avec plus rien, avec plus aucune... Oui. Sans rituel, sans rien du tout. Et avec Siriani, on s'était mis dans l'idée que nous allions faire une incursion dans ce travail de la création pour essayer de comprendre les difficultés que ça représentait de créer. Et je me suis passionné pour cela. Siriani, de son côté, avait mis une méthode de travail très, très, très correcte. Et moi, j'avais lu beaucoup de psychanalystes anglais qui, eux, avaient défriché dans le travail du rapport qu'ils avaient entretenu avec des artistes les phases difficiles que l'artiste rencontrait face à sa création. Par exemple, le moment de faire en sorte que son œuvre devienne publique, qui est une difficulté grande parce que... C'est le regard des autres. C'est le regard des autres. On a l'impression que ce qu'on a fait est sale, n'est pas propre. Aussi, le fait que j'avais remarqué, c'est que beaucoup de créateurs ont besoin d'avoir un ami qui valide leur travail, qui leur donne, c'est ça, le saut. Le tampon. Le tampon, qui dit, ce que tu fais, c'est bien. Et moi, j'ai joué le rôle de l'ami avec mes étudiants. Je fais que ça. Je n'aurais rien appris, je n'ai d'ailleurs pas grand-chose à leur apprendre, puisque au moment où je faisais de l'enseignement, je ne sais pas si vous allez me demander la question de savoir comment j'en suis venu à faire de l'enseignement, mais j'étais très jeune, je n'avais pas de formation réelle. Oui, parce que pour y rester 30 et quelques années, ça veut dire y rentrer très jeune. Je suis rentré à très jeune. Du paysage, je n'ai pas été formé moi-même au paysage, je l'ai appris tout seul. Et donc, d'une certaine façon, je n'avais pas un bagage. Je ne pouvais pas être, comment est-ce qu'on peut appeler ça ? Un maître. Un maître, puisque je n'avais pas de dogme à enseigner, puisque je n'en possédais pas. Par contre, j'aimais les gens. J'aimais passionnément le rapport avec les gens. Et ma plus grande richesse, ma plus grande découverte à cette époque-là, c'était que je sentais, à la seconde près, au moment où la machine créative d'un étudiant se mettait en route, je le voyais à la seconde près, comme si, à un moment donné, ça y est, il peut se débrouiller tout seul. Jusqu'à maintenant, j'avais besoin de l'accompagner parce qu'il éprouvait des difficultés à faire son travail, à creuser. Parce que vous savez, pour faire un travail créatif, il faut descendre en soi. Mmh. Et descendre en soi, c'est une descente qui n'est pas confortable. Parce qu'on y découvre des choses qui sont plus ou moins agréables à regarder. Et c'est un peu angoissant, le travail projectuel. Alors moi, j'avais largement exagéré cette question de l'angoisse. Mais je ne regrette pas. Je crois que j'ai fait un très beau travail de formateur, dans le sens où je n'ai... pas imprimer, comment est-ce qu'on appelle ça, une certitude. Mais laisser exprimer. J'ai laissé les étudiants se fabriquer, se découvrir. Alors tout de même, vous aviez quelques principes, ou en tout cas, vous les avez découverts en marchant, d'une certaine façon. Avec eux, ce principe que vous exposez dans le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent, Michel Corajou, par exemple, que le paysage part du bas. C'est le bas qui dynamise le haut. Ça, c'est un principe que vous avez appris quand ? Comment vous l'avez théorisé ? Est-ce que c'est, au bout du compte, c'est venu au fur et à mesure ou... Parce que c'est quand même très beau de dire que le paysage, c'est un art du redressement, le lieu où l'architecture trouve son élan. C'est-à-dire que la complémentarité entre ce paysage et l'architecture qui va se dresser sur ce paysage. C'est ça notre grande différence, peut-être, je crois, avec le métier de l'architecture. On pourrait dire, pour aller un peu vite, faire un bâtiment, c'est d'abord se poser la question de la fondation. Et donc, on va dans le sol et on cherche l'endroit de la stabilité de ce sol et on y pose des lignes de fondation qui sont des lignes d'appui qui fait que votre bâtiment tient. Le paysagiste, lui, il ne se tient pas comme ça. Il est rarement vertical, il est toujours plutôt oblique ou même il est plutôt toujours penché. Et il cherche plutôt des lignes d'appui. Il fait surface, vous voyez ce que je veux dire ? L'horizontalité. Essayez d'imaginer que vous êtes dans un marais en train de vous noyer. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites étale. Vous étalez le plus possible votre corps de manière à ce que l'état de la surface soit le plus long possible pour que vous ne vous enfonciez pas. Mm. Le paysagiste, il fait ça dans le paysage. Il s'étale. Il a une science du sol comme étant... Et c'est pour ça qu'il aime les matériaux qui sont des matériaux poreux, qui laissent passer l'eau, qui laissent passer la pluie, qui sont des matériaux qui sont qu'à moitié stables au fond. Alors que les ingénieurs, eux, ont une volonté de stabilité. On ferme les matériaux définitivement, le béton, l'enrobé, etc. Toutes ces surfaces qui sont définitivement fermées et qui ne laissent pas passer la pluie. Est-ce que vous n'êtes pas quelquefois un peu énervé ou gêné de voir que vos interventions, mais les interventions de vos collègues architectes paysagistes, sont tout de même des endroits, des sortes d'îlots, souvent un peu restreints, eu égard à l'immensité des aménagements qui se déroulent depuis 40 ou 50 ans dans un pays comme le nôtre. Par exemple, de voir comment ces immensités de zones commerciales qui gagnent petit à petit sur les paysages ruraux, en périphérie des villes, vous dites qu'il y a une crise actuelle de la périphérie des villes, Michel Corajou, eh bien là, vous n'avez pas souvent, voire jamais, votre mot à dire en tant qu'architecte paysagiste sur pourtant ce qui fait le quotidien commercial des périphéries urbaines ou, on pourrait en parler un peu plus tard, ces grands parcs d'attractions qui sont autre chose, une recréation de pays rêvés où l'imaginaire, dites-vous, est si peu présent, Michel Corajou. Je pense que ça ne va pas si mal pour nous, même ça va plutôt très bien. D'ailleurs, aux grandes dames de toute une série de professions qui pensent que les paysagistes sont d'une gourmandise effroyable et qui mordent sur tous les champs professionnels. On est à la fois urbaniste, architecte, c'est paysagiste. C'est vrai, vous avez eu le Grand Prix d'urbanisme. J'ai eu le Grand Prix d'urbanisme, assez étonnamment. J'ai eu le Grand Prix du paysage. Bon, et beaucoup de professions s'alarment du fait de cette espèce de volonté d'expansion des paysagistes. Moi, je dis simplement que les paysagistes ne sont pas plus malins que les autres. Mais c'est vrai qu'on a quelque chose que n'ont peut-être pas toutes les autres professions, c'est qu'on a une pensée transversale. C'est-à-dire, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas arc-bouté sur la verticalité d'un savoir, mais qu'on mange sur tous les autres savoirs. Mmh. Et ça, c'est la nature qui nous apprend ça. Faire surface, dont je vous parlais à l'instant. Et ce faire surface fait qu'effectivement, on a une pensée étale. Et donc, on a réussi en très peu d'années quand même, les paysagistes, à faire parler de nous. Vous avez réussi à faire parler de vous, mais tout de même, il y a tant d'endroits qui vous échappent. Est-ce que vous n'avez pas Ça commence de plus en plus. Il n'y a pratiquement plus d'endroits aujourd'hui où il n'y a pas un paysagiste présent dans les consultations. Mm-hmm. De plus en plus, les paysagistes sont mandataires de ces consultations. Non, ça, c'est pour la commande publique, mais la commande privée, tous ces lotissements qui s'étalent un peu partout, dans les campagnes. Là, qu'est-ce que vous pouvez faire face à cet amas de petits cubes qui sont les uns à côté des autres sans véritablement une pensée du paysage très, très, très, très présente ? Je pense qu'on va venir très prochainement. D'ailleurs, votre émission sur le pavillonnaire prochainement va pouvoir le dire. Je pense qu'on est en train de comprendre que la société contemporaine ne pourra pas échapper à l'idée que les gens ont envie de vivre dans une maison. Dans une maison, c'est-à-dire pas forcément une maison au niveau du sol. On peut vivre en étage, mais dans une maison. Dans une maison voulant dire qu'on a une pièce qui est dehors. On a un rapport avec le dehors important. On n'est pas seulement enfermé entre quatre murs. C'est l'antithèse de ce que pensait justement toute une école architecturale qui, dans les années 50 et 60, s'est développée. Moi-même, j'étais dans cette, je croyais à la ville dense. Je haïssais les banlieues pavillonnaires. Aujourd'hui, je les regarde effectivement avec effroi parce que je pense que c'est quand même des machines à fabriquer de la haine quand même. Non, vous avez chacun dans son jardin qui est à plus exacte distance de l'autre avec son fusil à sel pour éviter que Bref, il y a quand même quelque chose qui n'est pas bien dans tout ça. Mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant pour le futur. Cette question de l'introduction du vivant dans la ville et de faire que la ville soit plus poreuse. Oui, j'imagine, si on veut peut-être même avancer dans cette idée-là, imaginez qu'on ait des murs moins lisses, mais des murs qui se fissurent davantage et que dans ces infractuosités, des graines se nichent et que la vie s'installe. Parce que dans ces graines... Bah, c'est ce que tentent de faire des gens comme Patrick Blanc, par exemple, en faisant des murs rideaux dans lesquels la nature s'installe. C'est ça, mais voyez-vous à quelle manière c'est fait. C'est-à-dire que c'est quand même des paillassons dans lesquels on injecte des produits. C'est de la survie, tout ça. Tandis que là, moi, je pense plutôt la craquelure. On aurait des sols de ville moins fermés, plus craquelés. J'ai dans ma cour où je travaille un sol de béton qui s'est craquelé depuis des années et dans lequel des mousses se sont installées. Et c'est formidable comment la vie s'installe dans ces anfractuosités et comment ça cohabite bien ce béton, ce beau béton qui, en vieillissant, prend une patine verte et comment, dans ces anfractuosités, la vie s'installe. Et d'un coup, la vie animale arrive. Et je veux dire, tout vient en même temps. Et je pense qu'il y aurait place dans la ville à se préoccuper de la manière dont on pourrait rendre la ville plus vivante. Je ne dis pas plus naturelle, parce que je pense que la nature, c'est tout à fait autre chose. Mais où la ville plus vivante, où les éléments de la ville, la vie, occupent davantage la ville. À l'encontre de ces pensées paysagistes du 19e siècle qui ont fait des faux parcs naturels façon Butte-Chaumont à Paris, par exemple. Le mal vient de là, c'est l'imitation de la nature, d'une certaine idée de la nature. Les parcs anglo-chinois dont vous parlez un peu à l'instant, on avait l'idée qu'on... La nature, c'est ce qui me déplaisait beaucoup et qui a fait l'objet d'un très long combat pour moi, c'était qu'on croyait que la nature, c'était ce qui était dessiné mollement, souple, un peu « j'en reste ma malade », non, c'était... Ce qui veut dire, comment ça veut dire ça, les circonvolutions cérébrales, tout ça était évanescent, les allées étaient jamais rectilignes, c'était toujours... On croyait que la nature, c'était l'indécision, ce qui n'est pas vrai du tout. La nature, c'est... Au fond, même l'eau qui coule sur un plan, dans la nature, elle coule au plus droit, non ? Alors évidemment, elle est sans cesse contrariée par mille événements qui font que, d'un coup, son parcours devient plus aléatoire. Parce que je veux dire, dans cette idée de la nature naturante qui a été imposée au 19e, au travers de ces fameux jardins anglo-chinois, il y avait comme une détestation de la ville qui commençait à naître. Et moi, j'ai toujours été appelé en tant que paysagiste pour répondre à cette question. La ville est mauvaise, mettez-nous la nature pour compenser cette ville mauvaise. Et ça, non. Et moi, comme j'aimais passionnément la ville, et que je l'aime encore passionnément, je me suis toujours refusé à faire ça. J'ai toujours lutté contre cette idée que les arbres, les éléments naturels ont mieux à faire que de venir compenser une ville malade. Mais au contraire, elles sont là pour, d'une certaine façon, en crescendo de la ville bien faite. Je sais pas, je prends toutes les villes italiennes, qui sont des villes de pierre, non ? Mais qui ont été complètement investies de l'idée de la nature, dans la modernature même de cette architecture. Les moulures, les arcatures, les épaisseurs des porches, qui sont des épaisseurs de lisière, au fond, vous comprenez ? La nature était bien présente dans tout cela. On n'avait pas besoin de l'y introduire. Mais on pouvait l'y introduire, mais si c'est simplement en valeur supplémentaire, mais pas en valeur de départ. Ce n'est pas une valeur compensatoire. On n'est pas là pour penser les blessures d'une ville qui serait mal faite. On est là pour la faire bien, la ville, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que vous aimez des architectes comme Alvaro Siza, par exemple ? Bien sûr, parce qu'Alvaro Siza est un formidable architecte. De Porto, qui a imaginé, effectivement. Qui a, quand vous voyez les opérations de Siza, vous voyez bien que c'est un grand paysagiste. Mais tous les grands architectes, c'est pour ça que, quelque part, les paysagistes, peut-être, sommes-nous usurpateurs d'un métier que les grands architectes faisaient très bien. Quand vous prenez Aalto... Alvar Aalto, quand vous prenez des gens Le Corbusier. Ça. Le Corbusier, c'est des gens qui avaient une pensée paysagère très, très forte. Et il y a beaucoup d'architectes contemporains, dont Alvaro Siza, Soto de Mora, etc. Le stade de Braga, par exemple, de Soto de Mora, c'est une vraie œuvre paysagère. Alors, cette cohabitation des paysagistes avec ces architectes-là est très facile. Avec Renzo Piano, j'ai une belle entente, parce que lui aussi, il a un rêve paysager, hein, Renzo Piano. C'est le seul architecte avec lequel j'ai travaillé qui accepte que je plante des arbres devant ses bâtiments, sans qu'il ait peur que mes arbres cachent son bâtiment. Non, mais vous riez, mais... Oui, mais je comprends bien, c'est complètement exceptionnel, vous voyez ce que je veux dire. Cette sorte de modestie de l'architecte qui pense que quelque part, son architecture, il la trouve belle, mais elle mérite d'être nuancée par le floutage que font les feuilles sur sa façade. C'est beau. Il y a de très belles pages dans Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent. Michel Corajou, que vous avez publié il y a un an ou deux chez Actes Sud. En particulier, on va terminer là-dessus, sur la bambouseraie d'Anduze. Vous dites que quand on se promène dans une bambouseraie comme celle-ci, ça vous fait réfléchir en tant que paysagiste à beaucoup de choses sur la capacité que le bambou a de produire une réduction convenable. Par exemple, moi, je n'avais jamais pensé à ça, de l'effet d'amplitude de la mer. J'avais travaillé beaucoup sur cette idée avec justement l'équipe de Renzo Piano sur le parc Jules Verne à Amiens. J'ai fait un concours, je n'ai pas gagné, mais où j'avais travaillé seulement avec du bambou. Le bambou, vous savez, c'est un végétal totalement extraordinaire. D'abord, on pense que c'est un arbre, enfin, ou c'est un arbrisseau, mais ce n'est pas du tout ça. C'est une herbe, en fait. Faut penser à de l'herbe quand on voit des bambous. Et il a une capacité de croissance complètement phénoménale, puisque presque à l'œil nu, vous pouvez, en l'observant, voir la pousse du bambou monter. Et cette pousse, elle part à son origine, et elle monte à son altitude définitive avec la taille de départ. Donc c'est une chose... On pourrait dire que c'est l'excellence même de la pensée végétale. En plus, la pensée rhizomatique, la pensée du rhizome, qu'a beaucoup chanté Deleuze dans ses livres, et qui est une pensée que j'aime beaucoup, qui est, c'est pas l'enracinement, vous voyez, c'est pas ça court. La colonne, mais ça court. Ça se propage. Ça s'étale, ça justement, comme vous disiez. C'est l'état de surface, au fond, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça aussi. Et ça, c'est le bambou. Et ça aide à penser le paysage, justement. Bien sûr, bien sûr. Et bien sûr, la métaphore, évidemment, dans le jardin est très importante. Cette idée que quand vous regardez le sommet des bambous et qu'il le vent promène le sommet des bambous comme des vagues, au fond, et quelque part que l'intérieur, même sous les bambous, vous avez le sentiment d'être sous l'eau, était une belle métaphore pour parler de Jules Verne et de ses voyages maritimes. Et donc j'avais fait ça, malheureusement je n'ai pas gagné ce concours et je n'ai jamais eu l'occasion de vérifier si votre intuition était la bonne. Merci Michel Corajou. Pour cet entretien en réécoute que nous avions eu en 2012 avec Michel Corajou pour ouvrir cette semaine consacrée à l'histoire du paysage. Nous continuerons demain avec un documentaire signé Perrine Kervran et Véronique Samouilov sur un tableau de Claude Monet peint en 1870 sur la plage de Trouville. Comme d'habitude, vous pouvez réécouter cette émission en allant sur le site de France Culture, www.franceculture.fr, pendant 1000 jours, la télécharger pendant un an après sa diffusion. Laissez vos commentaires sur nos pages ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore me suivre sur le réseau Twitter. Cette émission a été préparée comme d'habitude par Marie-Bonne Abolivier et Aurélie Marcet. Elle a été réalisée par Séverine Cassard avec Élise Leheu à la technique.